Chapitre 7e. La vie sur une carte. Il était 9 heures lorsque la foule qui remplissait le Hardtime Saloon entendit le galop clair et régulier d'un cheval. Un moment après, Damon Reeves entra, parcourant rapidement la salle du regard en franchissant le seuil. Il y avait là bon nombre de gens. Il semblait appartenir à toutes les classes connues d'une petite ville à l'extrémité de la frontière. Quelques-uns étaient des pâtres, entrés pour boire un coup ou faire une partie. D'autres étaient des joueurs de profession et des coupe-jarrets, et il y avait des hommes qui avaient l'air d'être enfoncés trop avant pour exercer même ces deux métiers-là. C'était certainement un lieu où un homme pouvait trouver des instruments prêts pour tous les crimes, ou s'engager à fond, sans longue formalité, avec d'aussi fiévés coquins que pouvait en produire l'État du Texas. On y voyait cependant aussi quelques personnes qui paraissaient être d'une classe supérieure, mais comme les autres, armées jusqu'aux dents. Ceux qui s'aventuraient aux Hard Times ne le faisaient pas sans savoir parfaitement l'espèce de gens qu'ils y rencontreraient, mais d'un autre côté, le propriétaire du lieu inspirait toute confiance. Reeves semblait y être bien connu. Répondant d'un signe de tête aux nombreuses salutations qu'on lui adressait, il se dirigea à grands pas vers Tom Lane, qui l'accueillit comme une vieille connaissance. « C'est encore toi, Tom. J'ai rendez-vous avec un jeune oiseau pour essayer notre benne aux cartes. C'est le rancher Harper Clyde, de là-haut, sur le Lion Creek. Est-il venu ici ce soir ?»« Harper Clyde ?»« Oui, bien. Je l'ai vu il n'y a guère qu'une demi-heure, avec ce garçon qui fait le métier de guide et de pâtre, Ralph Duncan. Ils vont revenir, j'ai entendu Clyde le dire. » Au nom de Ralph Duncan, Reeves fronça le sourcil et un juron étouffé lui échappa. Heureusement pour Ralph, il n'avait pas entendu parler de l'affaire qui s'était passée au rancho du juge Dennison cet après-midi. S'il l'avait su, son froncement de sourcil aurait pu se changer en un sourire de triomphe. « Maudit garçon, » grommela-t-il, « comment se fait-il qu'il soit toujours au talent de Harper Clyde ? Enfin, c'est égal, ça vaut autant. Quand l'affaire de ce soir sera terminée, c'est un hasard si nous ne les balayons pas tous deux du même coup. » Lane surprit probablement la dernière partie de ce qui n'était destiné qu'à être un soliloque. Il tourna sur Damon Reeves des yeux inquiets, et, changeant apparemment d'idée, il pivota sur ses talons sans dire un mot, tandis que l'autre, que les manières originales du patron n'étonnaient plus, s'en allait se jeter sur un banc dans une sorte de petit réduit séparé de la grande salle par un rideau de calicot sur de grossiers montants. Pendant 10 minutes peut-être, il resta là, assis en silence, attendant l'apparition de son rival et occupé de ses propres pensées. Il regardait dans le vide, droit devant lui, l'esprit absorbé dans une rêverie d'où il fut réveillé par l'ombre d'un corps opaque qui s'interposait entre lui et la lumière. Il leva les yeux, et quels ne furent pas son étonnement et sa colère lorsqu'il vit Ralph Duncan qui s'assit délibérément de l'autre côté de la table, droit devant lui, en y jetant un sac dont le contenu rendit un bruit musical comme de l'or qui heurterait de l'or. « Me voici !» Ainsi salua Ralph, et son regard intrépide soutint sans faiblir le regard farouche et menaçant de Damon Reeves. « Vous ici ? Est-ce que c'est à vous que j'ai affaire ? Je devais rencontrer ici Harper Clyde, et j'apprends qu'on l'a vu en votre compagnie. Quel est le sens de cette insulte ? A-t-il flanché une fois de plus comme un lâche qu'il est ? Doucement là-dessus, Damon Reeves. Harper Clyde n'est pas pour se mesurer avec vous devant une table de jeu. Je ne pense pas que vous croyiez qu'il viendrait simplement pour risquer son argent contre le vôtre. Quelques gages que vous lui eussiez demandé de produire, je suis ici pour le faire. Billets et or, il y a ici 10 000 $. Je peux perdre cette somme et je peux la gagner. Donc, aussi loin qu'il vous plaira d'aller, je peux aller moi-même, et ce que je gagnerai ou perdrai, Harper Clyde en est responsable, à moins qu'on en vienne à ceci. » Il touchait significativement le revolver placé à portée de sa main. « Au nom du ciel, qu'est-ce que j'ai à faire avec vous ? Où est Harper Clyde ?» Il parlait avec une impatience irritée. Ralph Duncan répondit froidement. « Harper Clyde, c'est moi, pour l'instant. » Il existe un autre jeune homme du même nom qui devait être ici à ma place, mais il s'est produit un cas de vie et de mort dans sa famille et il est allé voir à ça. Il se peut qu'il soit de retour avant que nous ayons terminé notre petite partie. S'il l'est, vous pouvez parier qu'il s'y mettra et que je m'ôterai. Me voilà prêt. Eh bien, qu'on apporte les cartes. Quelle qu'ait eu d'abord l'intention de Damon Reeves, il prit une résolution soudaine et il cria à Tom Lane d'apporter des cartes. Ce personnage ne tarda pas à faire son apparition. « Lane, avez-vous vu ce garçon et Harper Clyde ensemble ici ce soir ?»« Oui. » J'avais rendez-vous avec Harper Clyde pour lui donner sa revanche d'une petite partie où j'avais eu l'avantage. Au lieu de lui, il envoie ce garçon avec une histoire sans queue ni tête et l'appui d'un sac de son argent. Vous entendez bien que ce n'est pas avec Ralph Duncan que je joue, mais avec Harper Clyde, et que c'est lui que je tiendrai responsable pour le résultat de la partie. Ne croissez pas si haut tant que vous n'êtes pas sorti du bois. Je compte qu'il y a là une tout à fait jolie chance pour votre nez de tomber en plein sur un bon pavé. Ainsi parlait une voix enrouée au-dessus de l'épaule de Lane, on vit apparaître une face bronzée et poilue, surmontée d'un bonnet de fourrure tiré presque au niveau de deux yeux brillants et clignotants qui se fixaient sur Damon Reeves avec une expression tenant à la fois de l'avertissement et de la mystification. « Merci de rien, Fryos Frank !» grommela Reeves, en train de griffonner à l'âte un mot qu'il remit à Lane. « Et maintenant aux cartes. Votre jeu, votre enjeu » continua-t-il. On ouvrit le paquet et le jeu commença. « Aux 3-7, $100, dit Ralph d'un ton ferme, en prenant dans son sac la somme dite et en la jetant sur la table. Damon Reeves couvrit l'enjeu en ajoutant un sarcasme. « Vous choisissez un jeu de coupe-gorge, un enjeu d'enfant. Il faudra un an avant d'aboutir. Peut-être. Et peut-être avant la fin de l'année, Harper Clyde viendra-t-il terminer la partie? Je suis dans une mauvaise veine ces temps-ci. » D'après ce qui suivit, il semblait bien que Ralph Duncan fût dans une mauvaise veine en effet, car il ne lui venait en main que des cartes qu'il ne pouvait pas gagner en dépit du jeu le plus serré. « $200, dit Ralph à la fin de la première partie, et il poussa au milieu de la table la somme que l'autre recouvrit immédiatement d'une somme pareille. En deux coups, la partie fut jouée et perdue. Reeves fit 4 points au premier coup et au second, après avoir tourné le valet, il fournit toutes les cartes que demandait Ralph et finalement fit tous les points. « 400, dit Ralph aussi froidement que jamais. Il perdit de nouveau et doubla la mise, tandis que Reeves battait les cartes avec une grimace de moquerie sur la figure. « Jeu d'enfant, d'un bout à l'autre, c'est clair. Vous auriez une mine d'or derrière vous et votre bonne veine, que dans une douzaine d'années, le moindre hasard en votre faveur nous remettrait au point où nous sommes partis. Jouez vos cartes. Il sera temps de jouer de la voix quand nous aurons fini. » Ralph perdit encore. La mauvaise fortune qu'il avait poursuivie toute la journée semblait le tenir agrippé solidement. Toujours froid, il jeta $16 sur la table. En une demi-douzaine de coups, ils avaient suivi les autres dans la poche de Damon Reeves, qui hésita avant de répondre aux $3,200 que Ralph mettait sur la table. « Couvrez la mise !» dit celui-ci sèchement, et le joueur obéit. « Encore perdu, garçonnet !»« Le renard connaît les cartes par leur nom, c'est sûr !» lui chuchota Fryos Frank. Sans répondre, Ralph renversa le sac, faisant tomber le reste de son contenu sur la table. « Arrêtez !» fit Damon Reeves, une lueur mauvaise dans l'œil. « Il vous a plu de doubler vos mises chaque fois, et bien maintenant double ou quitte. Il manque près de $3,000 à votre pile. »« Laisse-le tourner ses deux sous, garçonnet, » intervint Fryos Frank, et sur la table, au coude de Ralph, il jeta une petite valise fortement usée. « Ouvre-la, petit gars, et prends ce qu'il te faut. »« Très bien, Frank, je remplis le pot, et si je perds, Harper Clyde vous remboursera ce prêt. »« Je ne joue pas avec tous les sots qui s'amusent à jeter leur argent par la fenêtre, » gronda Reeves, jetant un regard soupçonneux d'abord sur Fryos Frank, puis sur les figures curieuses qui s'avançaient pour voir dans le réduit. En partie par hasard, et en partie de son propre fait, il n'y avait là que deux hommes sur l'amitié de qui il pouvait compter jusqu'au bout. D'un autre côté, Fryos Frank paraissait être le seul qui s'intéressa au jeune homme, bien que Ralph fût plus ou moins connu de tous ceux qui étaient dans la salle. « Vous jouez contre moi cependant et vous savez qu'il y a d'autres enjeux. » Les enjeux à quoi vous pensiez quand vous avez forcé Harper Clyde de consentir à cette rencontre. Je perds, mais je ne suis pas encore prêt à arrêter la partie. Voilà la mise. Qu'allez donc, si vous osez, dit Fryos Frank sans remuer un muscle. Mais il n'y avait pas à se méprendre à la menace de sa voix. À ce moment, un bruit s'entendit à l'extérieur du cabinet. Un des amis de Damon Reeves venait d'armer un pistolet. Arrêtez, se hâta de dire Reeves. Je tiens la somme. Le coup se joua au milieu du silence le plus profond. Ils arrivèrent 6-6. Le joueur eut le nerf de se tenir à une reine et gagna. « Ça finit le jeu !» s'écria Reeves avec une intense satisfaction. Les gains qu'il avait fait tomber dans sa poche semblaient avoir changé le cours de ses pensées. Il désirait les garder. « Non, ça ne le finit pas !» répondit avec fermeté le jeune garçon. « Il y a deux autres enjeux à disputer entre nous. » Si toutefois nous survivons l'un et l'autre pour le dernier. contre tous vos gains, je joue un essai de votre revolver à la longueur de cette chambre, à 7 pas. » Un murmure confus s'éleva. Il semblait que Ralph fût acharné à sa propre ruine. Jamais les habitués du Hard Time Saloon n'avaient été témoins d'une si mirobolante déveine. Ils ne savaient pas que Ralph était à bout de tout espoir et que malgré les intérêts qui étaient en jeu, il avait plus d'une fois regardé autour de lui avec l'idée que les lyncheurs du Rancho Denison étaient peut-être tout près. Ayant la corde presque autour du col, il s'inquiétait peu du revolver. « Un pari est un pari, et si on joue avec un enfant, ce n'est pas une raison pour reculer. » Ces mots venaient d'être prononcés très distinctement et d'un ton très décidé. Tous les yeux se tournèrent vers celui qui les avait dit. Pour Damon Reeves, Ralph Duncan et quelques autres, entrés par hasard au Hard Time Saloon, c'était un complet étranger. Mais Tom Lane, Friars Frank et la majorité de ceux qui étaient présents avaient fait connaissance avec lui ce soir-là même. C'était Buffalo Bill, beau comme une peinture, élégamment accoutré d'un costume de scout militaire, avec les bottes de cavalerie et le large sombrero. Ceux qui avaient eu son affaire avec Brazos Bill un peu plus d'une heure auparavant savaient ce que le scout était et de quoi il était capable. On avait fouillé le corps de Brazos Bill. Tout ce qu'on avait trouvé sur lui avait été mis en un paquet et confié au dépôt à Tom Lane, qui, avec d'autres connaissances du desperado, avait signé un papier relatant exactement dans quelles circonstances il était mort. Ensuite, Buffalo Bill avait gagné les cœurs en payant une tournée générale, après quoi il avait pris une chaise dans le bureau où il avait bavardé avec Tom Lane jusqu'à l'arrivée de Damon Reeves et plus tard de Ralph Duncan. « Qui est cet homme, ami Lane ?» avait demandé le scout. « Il répond au nom de Damon Reeves. Vous le connaissez ?»« Je ne suis pas sûr encore. » Lorsque Ralph Duncan était entré, son visage et toute sa personne souple et bien proportionnée parurent faire impression sur Buffalo Bill, qui dit « Voilà un beau garçon, un quibot qu'on se l'attache, j'ose le dire, un peu jeune pour la vie terrible qu'on mène ici. C'est un mirliflore, mais un diable si on le heurte de front. En tout cas, c'est un bon et brave garçon, contre lequel il n'y a rien à dire. Et son nom ? Ralph Duncan. Il est éclaireur, chasseur, forestier, pâtre, n'importe quoi qui rapporte. Mais c'est un métal d'une trempe propre et honnête, comme ceux qui l'ont essayé l'ont reconnu. Il me plaît, et je voudrais le connaître mieux. Ça ferait un bon gars, comme camarade et ami, quoiqu'il soit tout jeune. Il n'y a rien à dire sur lui, je le répète. On l'a surnommé le Boy Bravo. » Buffalo Bill n'en dit pas davantage, mais bientôt après, lorsqu'il vit que la partie entre Ralph et Damon Reeves s'avançait, il alla tranquillement jusqu'au cabinet particulier où se vidait le défi, et il resta spectateur, ne se décidant à parler que lorsqu'il vit que l'homme ne voulait pas donner au boy entière satisfaction. « Et comment osez-vous vous insinuer ici ?» s'écria Damon Reeves en se tournant vers Buffalo Bill. Mais il sursauta à l'aspect magnifique de vigueur et d'énergie que cet inconnu présentait. « Du droit qu'on a devoir rejouer franc jeu, » répliqua-t-il avec calme. Avec un juron, Damon Reeves reprit « Vous avez tous entendu son offre. Si j'accepte et que je gagne, par le ciel, je réclame les enjeux. N'est-ce pas loyal ?» En demandant cela, Reeves avait fait un mouvement nerveux des lèvres, comme en a le loup sur sa proie et une lueur ravie dans l'œil. « Oui, oui, tenu les enjeux, jouez la partie !» Ainsi répondirent une douzaine de spectateurs avides d'émotions fortes. Alors, au milieu d'un silence, si l'on peut dire aigu, les cartes s'abattirent sans bruit sur la table et les coups se succédèrent régulièrement. Et Ralph Duncan perdit. « Camarade, voyez que le jeu soit franc. Un essai sur moi, un coup de son revolver, voilà son enjeu. Voyez qu'il est cela, et pas plus. » Ainsi parla Ralph, et les bras croisés, il prit position à l'autre bout de la salle, tourné de côté et présentant en un profil parfait sa figure de statue de marbre. « La malédiction sur vous, boy. J'aurais volontiers donné $1,000 pour avoir votre vie, et maintenant vous avez tout jeté par la fenêtre, même ça. » Et Reeves leva son revolver, certain de viser juste et de tuer, tandis que Buffalo disait « Je vais voir que le jeu soit franc, mon petit gars. »